Un an après, au palais de Schönbrunn, le Versailles autrichien à Vienne, nous sommes, acte 2, dans le salon du duc de Reichstadt, le salon des lattes, bois peint ou non, avec vue sur le parc. Alors que le duc vient de surprendre le directeur de la police autrichienne, en train de fouiller dans ses papiers et se moquer de lui, en présence de son précepteur et en présence de l'archiduchesse, sa jeune tante, de 6 ans son aînée seulement, et d'une branche largement bonapartiste, celle-ci intervient. Le duc n'a-t-il donc pas toute sa liberté ? Le précepteur. Oh ! Le prince n'est pas prisonnier, mais... Le duc. J'admire ce « mais ». Sentez-vous tout ce que ce « mais » veut dire ? Mon Dieu ! Je ne suis pas prisonnier, mais... Voilà. Mais... Pas prisonnier, mais... C'est le terme, c'est la formule. Prisonnier, ou pas une seconde. Mais il y a toujours autour de moi du monde. Prisonnier, croyez bien que je ne le suis pas. Mais s'il me plaît risquer au fond du parc un pas, il ferait tout de suite un œil sous chaque feuille. Je ne suis certes pas prisonnier, mais qu'on veuille me parler privément, sur le bois de lui, pousse ce champignon, l'oreille. Je ne suis vraiment pas prisonnier, mais qu'à cheval je sorte, je sens le doux honneur d'une invisible escorte. Je ne suis pas le monde du monde prisonnier, mais je suis le second à lire mon courrier. Pas prisonnier du tout, mais chaque nuit on place à ma porte un laquais. Monte entre un grand gaillard grisonnant qui traverse le salon. Tenez, celui qui passe. Moi, le duc de Reichstadt, un prisonnier, jamais. Un prisonnier. Je suis un pape prisonnier, mais. S'entretenant alors avec le duc, sa tante et l'archiduchesse lui garantit que l'empereur Franz peut tout faire pour sa cause. Mais en retour, elle fait promettre au duc de ne jamais s'enfuir d'Autriche sans avoir tout essayé auprès de l'empereur Franz, son grand-père. Et pour preuve des bonnes dispositions de l'empereur, l'archiduchesse lui annonce qu'elle a obtenu de l'empereur le retour du chevalier de Prokesh, ami de Franz, qui se présente aussitôt.